présent, toutes amies qui t'ont tombé. Est-ce ou bien ton horloge l'arrêté sonné? Il finit par les poignards de Jemmy. Trahis-moi et branche la cassée.